سبحانه وبحمده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نواصل في فضل رب البرية بشرح بواب البرية الإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Nous continuons dans le livre Fadl Rabbi al-Bariyah, dans l'explication de Ad-Durar al-Bariyah, qui est le livre de l'imam al-Shawkani, rahimahullah, dans le Fiqh. Nous sommes toujours dans le grand chapitre Bab al-Tahara, dont nous avons parlé des eaux, et ensuite nous avons parlé de quelques impuretés, et comment on doit nettoyer l'impureté. Nous avons parlé de cela. Donc, en résumé, nous allons voir le chapitre qui va parler de comment doit-on purifier une impureté. Donc le cheikh il dit Al-Faslu, le sous-chapitre, l'Ughatal. Dans la langue arabe, ça veut dire Al-Hajzu Bayna Shay'ayn. C'est la barrière. Al-Hajzu, c'est Al-Hajiz. Ce qui se met entre deux choses. Al-Yusamma Al-Faslu. On appelle cela Al-Faslu. Wa minhu Faslu Rabi'. Et de cela, nous avons le Faslu Rabi. Rabi, c'est le printemps. Li annahu, car cela, yahjuzu bayna shita wa soif. Le printemps vient se mettre entre l'hiver et l'été. Wa huwa fi kutub al-ilm kadhalik. De même, dans les livres de science. Li annahu yahjuzu bayna anjas al-masa'il. Car elle vient se mettre entre les différents types de, ou les différents genres de sujets dans la religion, ou anwa'iha, et ses différents types. Ou yuqalu fi ta'rifi. Ou bien on dit dans la définition, huwa ismun, c'est un nom, li jumlatin mukhtasatun min al-bab, d'un ensemble spécifique de chapitres. Donc on dit fasl. Après, bab vient fasl. Kitab, d'abord, kitab c'est le grand chapitre. Après kitab, le sous-chapitre, c'est bab. Après le bab, c'est fasl. Donc ici, le chef il dit, l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit, wa yutahharu ma yutanajjasu bi ghuslihi. On purifie ce qui est sale en le lavant. Hatta la yabqa laha ayn. Pour ne pas qu'il reste ayn, c'est-à-dire azat, une impureté. Wala laun, ni la couleur, wala rihun, ni l'odeur, wala ta'm, ni le goût, wana'lu. Mais la chaussure, on nettoie, on purifie la chaussure bil masfi, en l'essuyant au sol. Et la ma'allamani Allah wa iyak. Le chef dit, sache qu'Allah t'enseigne ainsi que moi. Anna najasa shay. L'impureté d'une chose, imma an takuna najasatan hukmiya. Soit, c'est une impureté dans le jugement, kalbawli, comme l'urine. Zawaka ala saw. Si l'urine tombe sur le vêtement, alors tout le vêtement devient impur, malgré que l'urine n'a pas sali partout. Donc, dans le jugement, alors, huwa najis, c'est impur. فيوصف الثوب on décrit maintenant le vêtement بأنه نجس parce que on dit maintenant que le vêtement est impur إما تكون soit ويحكم عليه بذلك الشرع et on juge le vêtement comme étant impur dans la charia à cause de quoi بسبب البول الذي وقع عليه à cause de l'urine qui est tombée sur le vêtement فإنه لم يكن في الأصل mais à la base ce vêtement n'était pas najisan n'était pas impur bal sara kadhalik mais le vêtement est devenu impur بعد أن وقع البول عليه après que l'urine soit tombée dessus وصار متنجسا et elle est devenue impure ici le vêtement en lui-même n'est pas impur mais lorsque l'urine tombe dessus ça devient impur parce que ici il faudrait que vous compreniez il y a des choses qui sont pas en elles-mêmes impures mais les choses qui sont impures en elles-mêmes est-ce que vous comprenez donc ici par exemple imma soit antakuna najasatan ayniya maintenant soit cette impureté soit la chose elle-même qui soit impure, c'est-à-dire ayushay, la chose, l'entité de la chose, nagisa, est impure. Car raus, comme le crottin, alladhi huwa barad, qui est le déchet, ma la yukalu lahmu, de ce qu'on ne mange pas, la chair. Nous avons vu, dans les dates passées, que ce qu'on mange, la chair, tel que le mouton, le bœuf, leur routine, c'est-à-dire leur déchet n'est pas impur. Ça va? Mais ce qu'on ne mange pas la chair, leur déchet est impur. Fa'amannawl-awwal, quant au premier type d'impureté, qui est l'impureté dans le jugement, par le fait que la chose ne soit pas en elle-même impure, mais à cause du fait que l'urine soit tombée, ou bien la terre soit tombée, si cette chose ça devient impure, alors comment on purifie cela? On purifie cela par la manière à l'étiwara de pichar, qui est venue dans la charia. Est-ce que vous comprenez? Si dans la charia, il est dit qu'on purifie avec de l'eau, on purifie avec de l'eau. Si la charia dit on purifie avec une autre chose que de l'eau, on purifie avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, faïda warada fi shar, si c'est venu dans la charia, kayfiya tathhir muayyan, comment purifier une chose spécifique? Fayahsul tathhiruha, donc on obtient sa purification, bil kayfiya tillati warada. À travers le comment, c'est venu, comment on doit le purifier. Kama warada fi nar, comme c'est venu au sujet de la chaussure. Iza talawwasa bin najasa. Si la chaussure est souillée par l'impureté. Tawwura. Alors, si la chaussure est souillée par l'impureté, comme on vérifie, bimasihi bitturab. En l'essuyant à terre. Wa qad taqaddama hadha al-hadith. Et on a vu ce hadith-là. Wa huwa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Iza jaa ahadukum al-masjid. Si l'un d'entre vous va à la mosquée, fal yaqlib, ou yuqlib, qu'il tourne sa chaussure. Nali, il tourne sa chaussure, fal yandur fiha, et qu'il regarde en bas. Fa in ra'a biha khabasan, s'il a vu une impureté, fal yamsasu bil ard, qu'il essuie sur le sol. Sulu mal yusalli fihima. Ensuite, il prie avec ses deux chaussures. Donc ici, ce hadith est rapporté par Ahmad et autres. Et ce hadith est bon. Wa kadhalika min nisbati li zayl al-mar'a. C'est le même aussi pour le zayl al-mar'a. Zayl al-mar'a, c'est le hijab de la femme qui traîne derrière elle. Comment cela se purifie? Est-ce que sa purification, ça va être de l'eau? Ou bien ça va être de la terre? Comme c'est venu dans la charia. On regarde. Ça va? Iza macha, si elle marche, wa fa'abatuhu, elle a touché, najasa, une impureté, taharahu, ma ba'dahu minatura. Purifie maintenant ce qui a touché dès son vêtement qui traîne, ce ce qui vient de la terre. C'est-à-dire, si ça tombe dans des déchets, au fur et à mesure qu'elle marche, alors le sable qui est là purifie son vêtement. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, est-ce que si elle vient à la mosquée, elle est obligée de prendre le zeï, c'est-à-dire ce qui traîne derrière, afin de purifier? Là, regardez, ce hadith vient sur le hadith de Umm Salama, la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une femme est venue poser la question à Umm Salama. Elle dit, « Inni utilu az-zayy, je laisse traîner mon hijab. Wa amshi fil makani al-qadar. Et je marche dans un endroit sale. » Faqalat Umm Salama lui a dit, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Yutahiruhu ma ba'da. » Alors, purifie ton vêtement ce qui vient après de la terre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire si une femme, par exemple, elle porte le hijab, son hijab traîne. Pour celui qui a compris le djinn, il ne va pas dire à la soeur, mais c'est sale. Là. Parce que la charia a déjà montré que si elle marche dans les déchets, dans ce qui est impur, si elle marche sur la terre, c'est la terre qui purifie. Est-ce que c'est une histoire de aql, de raisonnement, ou bien c'est une histoire de char, de législation? Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib dit, là aucun a dit, nous verrons, si la religion était je pense, je crois, la kana batn al khufi awla bil masri min a'la. On allait plutôt essuyer le bas du khuf que le haut. Si la religion était je pense que. Pourquoi? Quand tu portes une chaussette, après les ablutions, et que tu vas venir essuyer, tu essuies où? En bas ou bien en haut? Hein? Le khuf, quand tu le portes, c'est où tu essuies? En bas ou bien en haut? En haut. Mais, si la religion était je pense, où c'est où qui se salit? C'est le bas. N'est-ce pas? Donc, à dire, nous voulons se verrons. Wa kadhalika damu al-hayd. C'est de même le sang du menstrué. Fa innahu yutahharu. On purifie ce sang-là de kayfiyya, avec le comment. Comment c'est venu dans la charia, dans la sunna? Sou ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La question a été posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-mar'at La femme, son vêtement est atteint par le sang du menstrué. Comment elle doit faire? Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tahutuhu, elle gratte la partie. Soyez, ça fait très bien. Summa taqrusuhu bilma. Ensuite, elle frotte avec de l'eau. Elle met l'eau dessus, elle frotte la partie. Summa tamba'uhu. Ensuite, elle assèche. Elle verse l'eau dessus, son matosol les filles, et elle prie dans ses vêtements. La charia elle veut lui montrer comment elle doit purifier. Donc, tahoutou, c'est-à-dire tahoutou li izalati min al-aïdjan. Elle gratte pour enlever le sang. Tahoutou, ça veut dire tout d'alli ou d'ambi atra fila sangue. Elle frotte. يتحلل ويخرج ما شربه ثوب من afin que sort est prêt, est grec, c'est-à-dire elle essaie de frotter afin que le déchet sorte. Tandis que yani elle aspire l'eau dessus. أما بول الذكر الرضيع quant à l'urine du petit garçon qui continue de prendre du lait de sa mère qui est allaitée. Alors ici, on asperge. Le petit garçon, si c'est la petite fille, khalas. Mais le petit garçon qui continue à prendre du lait, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé à manger, alors s'il urine sur le vêtement, son urine est une impureté. On a vu cela. Mais, dans le kayfiyya, dans comment purifier cela, la charia est venue alléger. La charia dit quoi? On asperge la partie. mais on ne lave pas. Mais cela ne montre pas que c'est une, ce n'est pas une impureté, c'est une impureté. Comment ta khatel, comme cela précédé. Wa amma ma warada an ash-shari', quand ce qui est venu de la législation, du législateur, annahu najis, que c'est sale, wa lam yarid fiha bayan kayfiyat at-tahir, ce qui vient qu'une chose est impure, venant du législateur, mais comment purifier cette chose-là n'est pas venu. Alors, fal wajib, écoutez bien, atakhallusu min al-'ayn an-najisa, c'est de se débarrasser de la chose qui est impure. C'est-à-dire, si la charia dit que telle chose est impure, mais la charia n'est pas venue nous montrer comment purifier cette chose. Donc, ce qui est obligatoire, c'est qu'on se débarrasse de cette chose. Vous comprenez? Hatta la yabqa laha, afin que ne reste pas rihun, son odeur, ou la launun, sa couleur, ou la ta'am. Et anna shay ladhi yajidu l'insan rihaw, car la chose que l'être humain sent l'odeur, ou ta'am, il voit le goût, papa de bak yati juzu min al-ayn. Donc ça veut dire que l'impurité est toujours dans cette chose-là. Mafoum? Wa in lam yabqa, même s'il ne reste pas jirmuha, son corps, c'est-à-dire la chose entière, en entièreté, ni sa couleur. Il wujud al-rahiya, car la présence de l'odeur la yakunu illa an wujud an-najasati allati wujida ra'iha, ne se fait que par la présence de quoi? De l'impureté dont on a senti l'odeur. Wa kadhalika wujud at-tahr, c'est le même aussi la présence du goût. La yakunu illa an wujud an-najasa, on ne sent le goût que lorsque l'impureté est présente dans la chose, il mujida ta'amuha, si on sent le goût. Wa hadha kulluhu fi kayfiyati an-najasati al-wasfiyya. Et cela, tout cela, on parle au sujet de l'impureté qui tombe sur le vêtement. Est-ce que vous comprenez? Si l'impureté tombe sur le vêtement, alors, si la charia vient avec comment purifier cette chose, alors on purifie cette chose en se basant sur ce que la charia a dit. Quant à l'impureté maintenant, amma najasatu al-ayniya, l'impureté, la chose elle-même est impure. Est-ce que vous comprenez? Faqala al-mu'allif rahimahullah, l'auteur du livre dit wal istihalatu, la transformation mutahhiratun purifie li adam wujud al-wasf, car l'impureté n'existe plus en cette chose-là, al-mahkoum alayh, dont on a jugé. Al-istihalatu, c'est la transformation. Hiya at-tahawwul, c'est le fait que se transforme. Hay taghyiru shay, la chose change. En tab'ihi, de sa nature, wa wasfihi, et de sa description. Fayasiru shay an akhar, ça devient une autre chose. On vous donne par exemple l'exemple. Katahawwul al-azirati ila ramal, comme le déchet. Le déchet. C'est-à-dire, la chose qui est sale change et ça devient quoi? C'est-à-dire le déchet, la selle. Hein? Change et ça devient du sable. Ça devient du sable. En ce moment, on n'appelle plus cela la selle. Puisque c'est devenu du sable. Pour ceux qui ont vécu au village, ils voient cela. Ça va? Souvent, ils vont faire le déchet. Ou bien souvent même les animaux font les déchets dans le sable. Après longtemps, on ne voit plus le déchet. Ça devient carrément du sable. Donc en ce moment, ce sable-là est pur. Parce que ce n'est plus ce déchet-là. Est-ce que vous comprenez? Wa tahawwul al-khinzir, comme la transformation du porc et la mille au sel. C'est-à-dire, lorsque tu mets le porc dans une grande quantité de sel, au bout d'un temps, il se transforme en du sel. Voilà le kalam, ce n'est pas une nouvelle parole. Wa qala bihi al-madahib. Les madahib ont dit cela. Vous comprenez? Wa hadha mujarrab fi zamanina had. Et c'est quelque chose qui est connu, expérimenté à notre époque, qui est le fait qu'on met du porc dans du sel. Et ça devient l'islam. Maintenant, est-ce qu'en ce moment, il est vu s'il devient l'islam? Il a quitté son état de porc. Il n'est plus du porc, il est du sel maintenant. C'est comme aussi la selle, c'est-à-dire les déchets. Lorsque c'est dans du sable, après un long temps, ça devient du sable. Donc, voici comment on purifie ces choses-là. Ça va? L'impureté, la chose impure en elle-même, la tête roule. Elle ne se purifie, il la bel istihala, que par la transformation. Waliya, antata hawwal, elle doit se transformer, il a shayin akha, à une autre chose, mukhalifu li shayin awwal, qui contredit, qui n'est pas pareil à la première chose. Fil haqiqa, dans la réalité. Ka istihala til azira, comme la transformation du déchet de la selle, il a aramat, au sable. وتظهر في هذه الحالة devient pur en ce moment لأن الوصف الذي وقع عليه الحكم بالنجاسة فقد car la description qui était sur cette chose qui a permis qu'on juge cette chose d'impur n'existe plus. Ça va? لم يعود موجودا, ça n'existe plus. قال ensuite l'imam Shawkani dit ولا يمكن غسله. Si on ne peut pas laver, et c'est clair ces choses-là, le porc, si on veut purifier le porc, est-ce qu'on le lave? Hein? Donc, si on ne peut pas le laver, on le transforme, et ça devient pur. Parce que c'est aïmouché. Mais l'impureté dans le jugement, qui est le fait que l'urine, ou bien les déchets tombent sur le vêtement, on peut purifier pour un vêtement propre. Mais l'impureté en elle-même, ça va? On ne peut le purifier que lorsqu'on le transforme. Maintenant, il y a d'autres aussi, fabisobbi, on ne peut pas les purifier aussi en les changeant. Mais fabisobbi, on verse de l'eau dessus. Awinazhi, ou bien on éloigne. Minhu hatta la yabqa, pour ne pas que reste l'innajasati athar. L'impureté, des traces de l'impureté restent, pour ne pas que ça reste. Alors, ici, tahaddath al-mu'allifuna. L'auteur du livre, il parle de quoi? Amma la yumkinu ghusluhu. C'est quoi que je parle de? Car l'arbre, comme la terre, hein? Si un enfant urine la terre, le sol, c'est-à-dire, je ne parle pas des carreaux, le sable. Il urine dedans. Est-ce qu'on peut laver? Hein? C'est le puits. Si le puits est sale, on ne peut plus utiliser l'eau du puits. On fait quoi? Comment on purifie? Parce qu'on sait que l'eau sort. Comment on purifie? Des nasri. On vide. N'est-ce pas? On vide l'eau qui est là. Afin que l'eau qui vient après, soit, si c'est un animal qui est mort dans l'eau, et ça a changé l'odeur, on enlève l'animal et on vide l'eau, afin que l'eau qui vient après soit pure. Donc ici, l'auteur du livre dit, « Fa'amma al-ard, quant au sol, fatatru bi-sabbi. » Ça se purifie, le sol se purifie en versant « alayha », comme c'est venu dans le hadith du « Arabi » du Bédouin, qui a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les compagnons d'envoyer des seaux d'eau pour pouvoir verser sur la partie. Wa ammal bir, quant au puits, fayatuhu bi ibadil ma'mina, elle se purifie en éloignant l'eau de ce puits, l'eau qui est sale. Hatta la yujad, pour ne pas qu'on trouve une najasa de asar. C'est-à-dire, les traces de l'impureté restent. Ensuite, l'imam Shawkani dit, Walma'u, l'eau, wal aslu fit tahar. L'eau, c'est la base, fit tahir, dans la purification. Fala yakumu ghayruhu maqama. Et, une autre chose ne peut prendre la place de l'eau, illa bi'izni Ni que par la permission du législateur. L'eau, c'est la base dans la purification. Mais si une autre chose doit purifier en dehors de l'eau, on doit trouver des preuves dans le Coran et puis dans la Sunna qui montrent que cette chose-là purifie. Al-Aslu fi tathir al-najasat, la base dans la purification des choses, huwa al-ma, c'est l'eau. Et en allemand, l'eau a été déjà décrite comme cela a précédé, qu'elle est pure et purifiante. Et on a envoyé des preuves à ce sujet, comme Allah a dit, wa yunazzilu alaykum minas samaa ma'an yutahhirakum bih. Il dit, on fait descendre des cieux de l'eau pour vous purifier avec. Donc, ce qui montre que la base dans la purification, c'est quoi? C'est l'eau. Il l'a, sauf maintenant, il nous dit des dalil. Si on a trouvé une preuve, mais dans le kitab ou le sunna, du Coran de la sunna, il y a d'où l'eau à la anna gaira, où il montre que autre que l'eau, on peut agir au minadia certainement, peut purifier une impureté. Hada ma yuridu al-mu'allif. C'est ce que l'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, a voulu dire ici. وقد ذهب جمهور علماء الاسلام, la majorité des savants de l'islam sont allés à dire que il a an al ma huwa al muta'ayyir fi tadhhir al najasa, c'est l'eau qui est spécifiée dans la purification des impuretés, c'est ghayr ma warada al dalil bi khilaf, dans autre chose dont la preuve n'est pas venue pour montrer que c'est une autre chose qui purifie, c'est-à-dire la base c'est l'eau. Mais si la preuve vient montrer que ce n'est pas l'eau, comme par exemple les chaussures, comme par exemple Zeynul Mar, la femme lorsqu'elle porte le hijab et son hijab traîne derrière elle, qu'est-ce qui purifie? C'est la terre. Ça va? Maintenant, si une preuve n'est pas venue dire le contraire de l'eau, alors la base c'est quoi? C'est l'eau. Ou alors, ce qui est prépondérant, Madhaba ilayhi Abu Hanifa, c'est ce que Abu Hanifa a dit, wa Ahmad fi riwayatan, Ahmad dans une autre version de Ahmad, comme taqaddama, anna al-ibara, ce qui est considéré, yuzalu aynu najasa, on enlève l'impurité elle-même, lima warada min adilla, ce qui est venu de preuve, tadullu ala tatri najasa bi ghayr al-ma. Ce qui est venu montrer qu'on peut purifier les impuretés avec autre que de l'eau. Kahadir al-Nale. Comme le hadith des deux chaussures, al-Mutaqaddim, Allahu A'lam. Et Allah est le plus sage. Donc ici, nous avons vu déjà tout ce qui concerne les impuretés, tout ce qui concerne aussi les eaux. Et nous allons voir ici, dans le chapitre, le sous-chapitre suivant, qui est toujours dans le grand chapitre de la purification, qui est Bab Qada'i al-Hajja. Le chapitre qui parle de l'accomplissement des besoins. L'accomplissement des besoins. C'est-à-dire le fait d'aller uriner ou le fait d'aller à la selle. Voyez-vous? Qada' ici, ça veut dire en arabe l'accomplissement, comme ça veut dire aussi la sentence, le jugement. Ça va? On appelle cela aussi Al-Qadha. Si vous voyez, Babu Qadha, chapitre Qadha, ça veut dire les sentences, les lois, les jugements. Ça va? Mais, si c'est relié, si le mot d'or, il a chéri, s'il est annexé à une chose, alors on comprend directement ici qu'il s'agit de quoi? De l'accomplissement de cette chose. Et comme par exemple, Qadha ul-Hajja. L'accomplissement des besoins. Bab Qada' al-Hajja. Qada' al-Hajja, yani, dira. On veut dire par cela, al-Zahabu. Le fait d'aller, il al-Khala. Al-Khala, pourquoi les Arabes ont nommé l'endroit où on va faire les besoins, al-Khala? Ils ont aussi nommé al-Zara. Ils ont aussi nommé ici al-Ra'it. Ici, Al-Khala, c'est un endroit vide où il n'y a personne. Ça va? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a arad al-haja ab'ada. Il s'éloignait. Il allait loin pour ne pas que les gens le voient. Il détestait qu'on sente une mauvaise odeur venant de lui. Il détestait cela. Ça va? Il détestait aussi qu'on entende un bruit venant de lui. Ça va? Et la sunna, c'est d'éloigner l'endroit du déchet des maisons. C'est ce qu'est la sunna. Comme là, il y a pour la dunya, la hadaratina. Avant que la dunya ne soit aujourd'hui notre civilisation d'aujourd'hui, où les bêtises sont dans les maisons. Voilà. Et le chef Rasulallah, n'a fait de Allah, il dit, dans l'une de ses paroles, il dit, bon, ce n'est pas, en réalité, mauvais, ce n'est pas grave. Mais, à Rasulallah, le Seigneur, il s'éloignait pourquoi? Pour ne pas qu'on sente une mauvaise odeur de lui et qu'on entende un bruit. Et souvent, si la chose est dans la maison, c'est pas loin du salon. Souvent, quand ils rentrent, ceux qui sont au salon, ils entendent les choses, hein. Ok. Ça arrive. Donc, la sunna, c'est cela. Ça va? Qu'Allah nous plaise. Et qu'il nous laisse enfin sur le reste. Voilà, c'est toujours bon pour celui qui a chez lui de toujours mettre un WC à l'extérieur pour les visiteurs. Comme ça, ils se sentent à l'aise là-bas. Mais souvent, si c'est dedans, ils sont là. Ils ont peur que dès qu'ils sortent, quelqu'un vienne. Et c'est l'odeur qui l'accueille. Ça va? Non. Et après cela, je vais vous donner une faïda que le cheikh Rasda Nafizullah, il a donné dans l'un de ses cours. Ici, qada al-haja, c'est le fait d'aller dans un endroit vide, l'ikhraj al-bawli, afin de faire sortir l'urine, al-ra'i, ou bien la selle. Fayuridu ayyakurawuna, l'auteur du livre veut mentionner ici, ahka, le jugement de cela et les comportements qu'on doit adopter. Ça va? Donc, l'imam Shawkani dit quoi? Alal mutakhalli, celui qui veut faire ses besoins, al istitaru, de chercher à se cacher, hatta yadnua, de se couvrir, jusqu'à ce qu'il descende, min al ard, au sol. Comment cela? C'est-à-dire, il peut arriver que tu ne sois pas loin, trop loin des gens. Tu ne te déshabilles pas avant de descendre. Comme par exemple, derrière une chose, tu veux te cacher derrière la chose. Est-ce que tu te déshabilles avant de descendre? Ou même tu descends et tu te déshabilles. Hein? Tu arrives au sol. Donc, hatta yadnuwa min al-ard. Ça va? Al-mutakhalli, c'est qui? Al-ladhi dhahaba ila al-khala. Celui qui va dans un endroit vide, li qada'i hajati. Pour faire accomplir ses besoins. Al-istitar ici, c'est talabu ma yastu. Tu cherches ce qui va te cacher al-a'yuninas, des yeux des gens. Ça va? Hatta yadnuwa min al-ard, jusqu'à ce qu'il descende le sol, yabqa mustatiran. Il se couvre, il a un yagisa. Jusqu'à ce qu'il s'asseye, maintenant il se découvre. Ça va? Wa yadullu ala dhalika jami'u al-adil. Toutes les preuves montrent cela, les preuves qui ont été rapportées du Moudoubi Satri Laoua, qui montrent l'obligation de cacher la nudité. Faïkan al-Mutakhalli fi Qada, celui qui veut faire les besoins, il a accompli ses besoins, Kana Satru Aurati Wajib. Il doit couvrir, le fait de couvrir sa nudité est une obligation. Ça va? Wamma iza kana fi makan al-Mughlaq. Mais si il est dans un endroit fermé, ou bien, il pense fortement que, anna ahadan la yara, personne ne le voit, fala basa, il n'y a pas de problème, de khalqi malabisi, d'enlever ses vêtements, comme la yadnu wa min al-af, avant de descendre au sol. Par exemple, s'il est dans un WC qui est bien fermé, il n'y a pas de problème, il enlève ses vêtements, parce que personne ne le voit. Ça va? Mais s'il est dans un endroit où il pense que personne n'est là, personne ne le voit, il n'y a pas de problème. Car le but ici, c'est quoi? Où est-ce que le aura? C'est de fermer, hein, couvrir la nudité. Jabir Sunan Abi Daoud, il y a des hadiths qui sont venus à ce sujet. Que le messager d'Allah, lorsqu'il voulait faire le hadja, il n'élevait pas son vêtement, c'est-à-dire il ne soulevait pas, jusqu'à ce qu'il descende au sol. Ça va? Là, ce hadith est daif. Muttarib, c'est-à-dire le hadith dont la chaîne de transmission se diverge beaucoup. Ça va? Le texte même, la chaîne de transmission se diverge beaucoup. L'autre il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit sur le même hadith, il y a beaucoup de divergences. Donc ce hadith muttarib. Ce hadith-là n'est pas authentique. Mais il y a un autre hadith qui vient. Man atal ghaib falyadkur. Celui qui va faire ses besoins. Celui qui va à la selle, qui se couvre. Ce hadith aussi est daif. Ce hadith est daif. Wal umda. On se base sur quoi? Alama zakarna sabiqan. Ce que nous avons mentionné précédemment. C'est quoi? C'est umumul adilla. La généralité des tests à l'été amarat qui ordonne de satri l'aura, de fermer ou bien cacher la nudité. Faqad qala Allah ta'ala, Allah le Très-Haut dit, qul lil mu'minina, dit aux croyants, yaghuddu min absarihim, qu'ils baissent leurs regards, wa yahfazu furujahum, et qu'ils préservent leur sexe. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est authentique, ihfaz auratak, préserve ta nudité, il l'a mis là où il est dit, sauf devant ta femme, ou ma malakat yamin, ou ce que tu détiens comme esclave. Donc ici, ensuite, ces preuves-là montrent que il faut cacher la nudité. N'est-ce pas? Qawlu wal bu'du, aw dukhul al kalif. Il doit s'éloigner ou bien il doit rentrer dans la bergerie des animaux. Dukhul al kalif. Ça va? Parce que là où les animaux dorment, il peut aller se cacher quelque part là-bas, ou bien il peut même quitter, il fait savoir où, il quitte le village ou bien la ville, comme à Zaman, à leur époque c'était comme ça, il n'y avait pas des WC qui étaient construites, ça va? Sauf à dernière époque des compagnons, comme Abu Moussa al-Ash'ari l'a dit, lorsqu'ils sont allés à Sham, ils ont trouvé qu'il y avait des WC qui étaient construits. Ça va? Mais voilà qu'à leur époque, ils s'éloignaient. Ça va? Ils s'éloignaient. Donc, al-boudou, c'est quoi ici? Al-ibadou, c'est le fait de s'éloigner an-a'yunina, des yeux des gens. Ou al-kanif, c'est asmuhu al-hazira. Al-hazira, c'est la bergerie. Al-editama de l'ibil, c'est qu'on arrange pour les chameaux. Faktukin nuha, on met les chameaux dedans. Aïta Fazoura, ces choses-là préservent les chameaux de fuir, ou bien les préservent aussi minal bara, de la fraîcheur. Summa sammuhu ma hazaruhu. Ensuite, ils ont nommé ce qu'ils ont mis en place, maudi an li halasi kanifan. Ils ont nommé cela kanif. Akhraj Abu Daoud wa ghayru. Abu Daoud a rapporté, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha zahab al madhhab, s'il allait madhhab, à l'endroit, à Bagh. Ils s'éloignaient. Les Arabes, ils évitaient de dire cela. De dire le nom. Ça va? Ils évitaient de dire le nom. Ils disent, ils ont arad al-madhab. C'est bon? Al-Ghaït, qui est le nom même, qui est même le nom du déchet, qui est la selle qu'on fait. Les Arabes, ils ont pris le nom de quoi? Ghaït, ça vient de Ghaïta. La terre qui est enfoncé, c'est-à-dire la terre, sur la terre comme ça, il y a un endroit qui est rentré. On appelle ça comment? Le fossé. Ça va? Donc les Arabes, lorsqu'ils voulaient faire les déchets, ils partaient rentrer dans ce genre d'endroit. Hein? Et puis, ils partaient faire les déchets, ils s'y cachaient. Donc, pour ne pas dire le nom de la chose, ils ont nommé le nom du déchet à au nom de l'endroit. Mais vous, طيب. Donc ici, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait aller dans l'endroit, il s'éloignait. Le hadith de Jabir aussi, il dit an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kana idha arad al-barad, lorsqu'il voulait aller à la selle, intalaqa, il partait hatta la yarau ahad, jusqu'à ce que personne ne le voyait. Wa hadan al-hadithan fihima kalam, mais ce hadith, il y a parole, bien, la parole des savants dessus. ولكن يشهد احدهما الاخر بالاخر mais on peut prendre l'autre pour renforcer l'autre. وهذا ما حديث حذيفه et cela avec le hadith de Hudhayfah bin Yaman qui vient dans les deux authentiques ان النبي صلى الله عليه وسلم بال il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a uriné عند بساطة قوم بساطة c'est les dépôts d'ordures il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a uriné devant le dépôt d'ordures. Voyez al-mazbala. C'est ce qu'on appelle al-mazbala, c'est-à-dire la poubelle. Wa taqulu qaribatun min an-nas, mais ça c'est proche des gens. Wa kadhalika c'est le même ra'ahu Ibn Umar. Ibn Umar l'a vu à la safri bayt Hafsa. Ibn Umar est monté sur le toit de la maison de Hafsa et l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dîner de l'autre côté. Donc ce qui montre que on peut le faire à l'intérieur. Les rites et tout ça. Et c'est la preuve que d'autres savants utilisent pour dire que Abba'ada, ça c'est pour le déchet. C'est-à-dire la selle. Mais les rites, ça on peut le faire tout près. Ça va? Parce que ça, on ne sent pas l'odeur comme l'autre. Et on n'entend pas aussi le bruit. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala afif. Et la païda que nous donnons de la parole de Cheikh Mohamed Saïd Rasulallah, le Hafiz Allah, dans son explication de Al-Fiqh al-Muyassar, il a expliqué comme ça que les versets que nous utilisons aujourd'hui, on s'assoit sur ces versets-là. Et il a donné l'exemple des versets qui étaient à l'époque du prophète Rasulallah. C'est-à-dire vers la fin de l'effort de campagne. Il a montré comment on doit s'asseoir pour aller à la selle. Il a montré que, d'abord dans la médecine, parce que lui aussi il a fait un peu, que la manière de s'asseoir qui est venue dans la sunna protège l'être humain contre les hernies. Parce que ton pied gauche est adossé sur ton ventre. Parce qu'il dit, il y a un nerf qui est à l'intérieur. Lorsque tu veux faire sortir le déchet, tu te forces. Donc quand tu te forces, au fur et à mesure que ça s'affaiblit, ça crée des problèmes. Mais lorsque tu adosses ton pied gauche sur ton ventre, et puis tu te forces, ça soutient cette partie. Ça c'est la première chose qu'il a dit. Il a montré qu'aujourd'hui, il y a des WC que les gens utilisent, ils s'asseyent, ils ne font aucun effort. C'est comme une chaise. Ils s'asseyent comme ça. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'ils se forcent, cette partie n'a plus de soutien. Alors, le chien. Il dit, Sanian, il dit, le WC que l'on utilise aujourd'hui est une cause des maladies de peau, sauf si c'est toi celui qui l'utilise. Avec, bien sûr, un cercle restreint. Il dit parce que les WC d'avant, et ce que nous on a connu en Afrique ici avant que les autres WC n'arrivent, ces WC-là, tu n'as aucun contact, ta peau n'a pas les contacts avec le WC. N'est-ce pas? Ta peau n'a pas les contacts avec ça. Mais, aujourd'hui, si tu t'assois, ta peau a un contact direct. Si quelqu'un vient, il vient s'asseoir, il a un contact direct avec le WC. Et toi, tu viens t'asseoir. S'il a laissé des microbes dessus, ces microbes-là vont t'attraper. Ça arrive comme ça avec les maladies de peau. Ça va? Vous voyez pourquoi c'est très intéressant, les WC publics, comme par exemple ce qui est dans la mosquée, ici. De cette manière, ça a été fait. Alhamdulillah. À terre. Ça va? Mais le conseil que je donne, c'est que si c'est un WC personnel, ça va? Un WC personnel que toi tu utilises avec ton épouse, c'est un sexe très restreint, n'a pas sa vie. Comme le chef de la plan, il a dit. Mais si tu vas quelque part où on demande des WC, il faut préférer utiliser ce WC-là que le WC où on s'assoit. Parce que tout le monde vient s'asseoir dessus et tu ne peux pas te préserver. Surtout s'il y a des maladies du cou. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc c'était juste une faïda. Qala, il dit, wa tarqul kalam. Lorsqu'on est au WC, on délaisse la parole. On ne parle pas. Toyib. On va voir si on parle, si c'est interdit de parler, ou bien si ce n'est pas interdit. Aïe, c'est-à-dire, yadibu ala al-mutakhalli, celui qui va dans les besoins, il lui est obligatoire, inda qada al-haja, lorsqu'il accomplit son besoin, tarkul kalam, délaisser la parole. Lima akhrajahu Abu Daoud, à cause de ce que Abu Daoud a rapporté, wa ghayru wa sol, an Abi Saïd. D'après Abi Saïd, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la yakhruju rajulan, deux personnes de sol, yadriban, en cherchant al-ghaïd, l'endroit où ils vont à la selle, ka shifaini, ils sont découverts, an awrati l'imam, ils sont découverts de l'humilité, yatahaddathan, ils sont en train de causer. Il dit, qu'il ne le fasse pas. فَإِنَّ اللَّهَ قَيْدِ اللَّهَ زَوَجَلِ يَمْقُلْتُ ذَلِكِ Alors Allah Zawajal déteste. يَمْقُلْ عَلَى ذَلِكِ Il déteste cela. Voilà qu'il hadith un daif. Ce hadith, c'est daif, mutfarij. Et وَفِي رَوْمٍ مَجْهُولٍ Il y a un rapporteur dans les hadiths qui n'est pas connu. On dit un rajouli. C'est qui? Pourtant nous, on ne le connaît pas. On ne peut pas savoir s'il est digne de confiance ou il n'est pas digne de confiance. Alors qu'on a un hadith un daif. Fayyib, le hadith est daif. Et c'est le seul hadith qui vient à ce sujet-là. Fayyib, quel est le hadith daif? Si le hadith est daif, fala yujad, et on ne trouve pas. Ma yadoulu ala tahrim al kalam. Ce qui montre que la parole est interdite, inna qada yihaja, lorsqu'on a rempli le besoin ou autre, fayyab qal amru ala l'ibrah. Ça reste sur l'autorisation. Bilal, on se base sur la base. Ça va? Fa'inna aslu hadhihi al-ashya, la base de ces choses-là, al-ibaha, c'est l'autorisation, wa la yujadu ma yadullu ala khilaf. On ne trouve pas ce qui va montrer le contraire. Donc, on peut parler. La base. Ça va? Si c'est dans le WC, quelqu'un te pose la question. Et c'est les gens qui le répondent. Il n'y a pas de dalil qui interdit cela. Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Il n'y a pas de preuve. Mais quant à répondre au salam, wa yukram, c'est détestable. Zikrullah, mentionner le nom d'Allah, wa raddi salam, et de répondre au salam, asna al qada al haja, lorsqu'on a compris le besoin. لأنه صلى الله عليه وسلم comme le hadith vient de façon authentique que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم c'est le hadith d'Abiga il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام على رجل وهو يبول il lui dit et quelqu'un passait il a dit السلام عليكم يا رسول il n'a pas répondu donc ce qui montre que c'est détestable de répondre lorsqu'on est en train de faire le besoin de répondre à la salam. Est-ce que vous comprenez? قوله والملابسة لما له حرمة et le fait de porter ce qui est sacré. Ce qui est sacré. De porter ce qui est sacré. Comme al-mushaf. Le mushaf. والخاتم. La bague. الذي عليه ذكر الله. La bague dont est inscrit dessus. Une mention d'Allah, comme un ashba adari, qu'est-ce qui ressemble à cela? Fala yalbasu fi yadihi, qui ne porte pas dans sa main, aw fi rukbatihi ni si son cou aw yadaw ou qu'il mette fi makhba'ihi dans un endroit qui est une cachette inda qada'il haja lorsqu'il fait le besoin dhalika li hadith alladhi akhrajahu abu daoud aku di hadith qui est venu de abu daoud anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dakhal al-khala' lorsqu'il rentrait dans le besoin wada'a khatimah il déposait c'est-à-dire nada'a il enlevait sa bague hein c'était écrit dessus Muhammad Rasulullah tu vois donc comme il y avait le nom d'Allah dessus il enlevait walakin ايضا حديث ضعيف في هذه ضعيف لا يصح سنة قرطنسي وبما ان الحديث ضعيف كل حديث ضعيف فلا يؤمر به هنا في هذه ويبقى الامر على الاباحه فارس لوتوريزاسيون بشرط avec la condition que الا يمس ذلك النجاسه que l'impureté ne touche pas la chose directement. Ça va? L'impurité ne trouve pas la chose directement. Là, qu'il parle de la base, soit à Adel Hadith. Ils ont rendu authentique ce hadith-là, mais à Sohi, c'est que le hadith n'est pas authentique. Hakam Ali, Sheikh Al-Bani, Shoaib Al-Arnouti, Sheikh Moubil, la majorité de ça. Ça va? Ce hadith n'est pas authentique. Voilà qu'il parle Khatimu, il a qu'un affilié de Yusra. Si la bague est dans la main gauche, wajaba yunza, on doit la lever. Pourquoi? Non, parce que si on essaie de se nettoyer, l'impunité va toucher. Bien, la najasa, car l'impunité satulaki va rencontrer cette bague. À la fin qu'elle a dans cette situation, fa'inna rufi yadi nusra alayhi tayastanji biha ashir. Parce que c'est dans la main gauche et il va se nettoyer avec. أما إذا كان المصحف مسيس أم مصحف في مخبئه dans sa poche محفوظا بعيدا qui est loin عن الأذى de ce qui est sale فلا بأس والله أعلم يا بعض الكلام وهذا شريعة الله يقول لك رجل تبقى مباري مباري بزار من أجل شريعة الله إننا فرمون l'interdiction que ce qui vient comme interdit dans les preuves authentiques. On a dit, en ce qui concerne les choses, écoutez bien, al-halal wal-haram, ça va? Ce qui concerne la nourriture, les vêtements, tout est permis sauf ce que la preuve vient montrer que c'est interdit. C'est-à-dire, prends l'exemple. Les vêtements, porte ce que tu veux. Sauf si tu as une preuve qui te montre que tel type de vêtement est, et on a la preuve qui montre que la soie est interdite aux hommes, mais non aux femmes. Est-ce que vous comprenez? En ce qui concerne les poissons aussi, la nourriture, tout est autorisé sauf ce que la charia a interdit. Quelle est la preuve? La preuve de cela, c'est quoi? Ou elle l'a dit, خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. C'est Allah qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc, à la base, tout est permis. En dehors de ce que la charia vient, interdit. Donc, ici, si nous n'avons pas les preuves pour montrer qu'il est interdit de rentrer avec quelque chose comme ça dans la douche, pourquoi on est interdit? Hein? Et puis il y a une preuve pour interdire cela. On n'a pas de preuve. Celui qui a la preuve, il nous montre cela. Mais on dit, min babi, al-ihtira, ne le faites pas. Comme on va arriver sur la masse à la défaite que, est-ce que si tu as une ambition, tu peux toucher le Coran, mais tu ne veux pas toucher. Voyez? Est-ce que tu peux toucher? Si tu n'as pas une ambition, le Coran, non, tu peux toucher. Puisqu'il n'y a pas de preuve qui interdit ça. La preuve qui vient dans le Coran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Cette preuve parle de quoi? Des touches. Et de l'amour. Ça ne parle même pas du Coran. لا يمس هذا القرآن إلا طاهر أمرت بالرسول صلى الله عليه وسلم de tout ce courant, sauf celui qui est pur. C'est quelle pureté. Al-Mu'minillah, le croyant n'est pas impur. C'est le mécréant, il n'a pas mouchirguna, n'ayas. Ils sont les mouchirguins qui sont impurs. Donc, si on va suivre les dalils, mais après on dit aux musulmans, est-ce qu'il y a un kitab pour le respect du livre d'Allah, soyez en état d'impurité. Mais est-ce qu'on a une preuve qui montre que c'est interdit? Ça va? Oui. Calmez-vous encore la compréhension. Qawluhu, sa parole, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, aujourd'hui. Et s'il y a des questions, si ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser la question. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله